KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Si Dr House devait écouter une seule émission de radio, à moins que vous ayez de la vicodine, allez-vous-en. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de malades. Je veux mes pilules. Non. Mickaël. 21h minuit. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ouais, ça va. Allez, bravo à Paris quand même. Hein. Faut dire ce qui est, c'est la dernière Paris. Fois là. Ouais, c'est la dernière fois que je peux les féliciter d'avoir perdu une énième fois. Ouais, mais c'était génial, c'était super. Non, vraiment, moi je te jure, je me suis éclaté à le regarder quoi. Non, tu as éclaté les gens ou tu t'es fait éclater. Non, mais c'était drôle, c'était dramatique en fait. Ah c'était... voilà, ouais, c'est ça, c'était drôle parce que c'était dramatique. Ah ouais, c'était n'importe quoi. Ils ont arrêté le match parce que les supporters ont balancé des fumigènes sur la pelouse. C'était cool. Il y a cool, un joueur qui s'est énervé. Enfin, c'était génial. Ah ouais, moi je trouvais ça vachement bien. Bah écoute, nous on s'est vachement plus marré, en tout cas, Toff, moi et Polo, puisqu'on a été, au concert de Train qui était vachement sympa. Ouais, c'était vachement bien. C'était vachement bien, le mec super cool et tout. En plus, c'est le mec qui était Patrick. Qu'on a reçu vendredi, donc le leader et le chanteur de Train, le groupe de rock, qui était devant le Bataclan. Il était devant, là, il signait tout seul, hein. Il y avait juste un mec pour la sécu, il signait les autographes, il était là, il parlait avec tout le monde, à la cool quoi. Il était là devant le Bataclan. Non, c'était bon esprit, plutôt cool. Si vous étiez là d'ailleurs, bah dites-nous ce que vous en avez pensé tout simplement. 612, débuté par Énergie ou sur mikl.fr. Voilà, Sandro, passe un bon week-end. Ouais, ça va, tranquille. Attends. T'as aspiré. Non, même pas. Ah merde. Non, elle a lavé les vitres. Non plus. Non, j'ai pas fait de ménage. Laisse-moi tranquille. Ah bah merde alors. Elle a coupé. Elle a coupé quoi? Ah oui, les cheveux, oui, pardon. Bien sûr. Oui, court un peu quand même, non? Un peu beaucoup. Hein. Elle a quand même enlevé sur une longueur de 40 cm avant, 30 cm. Ça fait long. Hein. J'ai tout enlevé, quoi. Mais pourquoi? J'avais punk. Envie de changer de tête et j'aurais pas dû. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il faut pouvoir tester pour trouver sa voie. En tout cas, ce qui est beau, c'est que t'as donné tes cheveux aux États-Unis pour colmater. Pour sauver l'océan. Voilà, oui, pour sauver le golfe du Mexique. Ils sont utilisables parce qu'ils étaient un peu abîmés quand même. Hein. Ah oui, moi j'aime bien, ça te fait un côté punk. Ah vas-y, c'est bon, comment? Oui, parce qu'il y a l'arrière en fait qui trash est attaché metal. Et ça remonte derrière, du coup, oui, effectivement. Je peux même plus les attacher. Hein. Oh, bah pour fêter ça, on mettra un petit Offspring ce soir, tiens. Un punk comme ça, c'est pas mal, ça va être cool. Bon, fais-toi une crête. Oui, bah oui. Arrêtez, c'est bon, je suis assez vénère comme ça. Donc, oh, mais on va pas rajouter. Il faut pas, il y a Marie. Dans sa voiture, elle écoutait du trash metal. Il y a Marie d'ailleurs sur le groupe Facebook qui dit ça repousse. Sandro, est-ce qu'on peut voir des photos? Non. Vous en verrez, vous inquiétez. Bah si, il y a un moment, on va voir. Oui, non, mais laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'une petite semaine pour. Il faut qu'elle s'y fasse psychologiquement. Ah, bah c'est ça, voilà. Pour accepter la chose. Il y a Marie-Lou qui dit des photos de toi avec ta nouvelle coupe, s'il te plaît. Mais c'est même pas les gens demandent. Arrêtez, je ressemble à une pouilleuse. Mais non, tu ressembles à une punkette. Mais oui, voilà, c'est ça. La punkette. Avec des yeux d'asiatique, quoi. Un peu, ouais. Non, mais ça va, franchement, il y a pire. Hein. Oui. Je voulais couper court à la garçonne à la base. Hein. Ah oui, quoi, genre quoi carré plus, elle m'a dit. Non, pas carré, à la garçonne. Les cheveux courts, plus courts que toi. Ah oui. Ah non, quelle horreur. Elle m'a dit, ça aurait été dur. Hein. Elle m'a dit chaque chose en son temps. Ah ouais, alors déjà s'habituer à celle-là. Même nous, on n'aurait pas été prêts, nous. Nous, il aurait fallu un temps d'adaptation également. Donc bon, Etoff, qu'elle a également combien ce week-end? J'ai beaucoup souffert ce week-end. Ah bon, pourquoi? Ouais, j'ai fait un paintball et j'ai des marques. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert ce week-end, Etoff. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Quand j'ai retrouvé la chose qui t'appartient dans la portière conducteur. Ah oui. De la voiture. Ah ouais. Oh, putain, oui, le paintball, il a pris des marques, oui, effectivement. Ouais. Ben, c'est bien fait pour toi. T'as la violence. Merci. C'est qui t'a attiré à ça? Bah rien, c'était des mecs. C'était une meuf. Même pas. Ah bon, bah dis donc. Même pas, non, une meuf, la meuf, enfin il y a une meuf qui m'a tiré dans la cuisse, j'ai une bonne grosse marque aussi, mais je peux d'accord. pas m'en faire. Attends, pour revenir sur l'histoire sans oui, mot, oui, attends. T'as trouvé ça dans ta voiture ou dans sa voiture? Dans celle que j'ai en ce moment, que j'utilise. Donc dans ta voiture, d'accord, ouais. Ok. Donc à votre avis, qu'a pu trouver Sandro dans sa voiture en fait, hein, après certainement l'avoir prêté à Toff ou faut pas aller chercher bien loin. Hein. Ouais, il a eu les clés quelques instants. En tout cas, je sais pas ce qu'il en a fait, mais enfin, à votre avis. Ah bah moi je sais maintenant. À votre avis, qu'a trouvé Sandro dans sa propre voiture après l'avoir prêté à Toff? Si vous avez une idée, dites-nous ça par SMS 612 débuté par Énergie sur le groupe Facebook aussi. Hein, vous pouvez donner votre avis, hein. Ça se passe sur le www.mikl.fr. Cliquez sur la communauté. Voilà, bon. Et puis il y a Alexandre. C'est facile. Oui, alors, c'est facile, effectivement. Il y a Simon qui proposait un God. Non, c'est pas ça. Anthony qui proposait de la drogue. Non, même pas, je les ai pas alors. Je l'aurais pas dit. Romain qui disait un God également. Ce n'est pas ça. Non. Il y a Alexandre qui s'y approche, mais on n'est pas encore au top. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Alexandre? Des capotes. Pas dire Ah bah c'est pas exactement ça. Enfin, bah j'aurais aimé que ce soit ça. Voilà, mais c'est pas la bonne réponse. Donc voilà, si vous avez une idée, mikael.fr, cliquez sur la communauté ou alors 612 par SMS. Vous débutez votre message par énergie. La rousse va bien donc. Ça va ouais. Bon, t'as fêté la victoire. Ouais, avant. Il valait mieux, hein. Il valait mieux. Bon, en tout cas, bravo aux Marseillais, hein, qui sont donc officiellement champions de France 2010. Et donc Bordeaux qui a officiellement tout perdu cette saison. Ah oui, là, c'était un drame. Et Lyon, par contre, qui a réussi à revenir sur le film, mais qui a réussi à revenir, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure si l'actu le nécessite. Avec les supporters bordelais qui ont fait une parodie aussi sur Stromae. Ah bon ? Putain, j'ai eu trop de mal. C'est alors on danse, ouais. Et ils ont fait alors on se plante. Oui, ça arrive. Et effectivement. La composition des bleus, l'euro a un avis ? La composition des bleus, non, bah il reste un 24e joueur, c'est Marc Planus. C'est au cas où Galas se blesse pendant le stage à Tignes, ils mettent Planus. D'accord. Bon. Voilà. Écoute, on verra bien, hein, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, la Coupe du Monde, J-moins pas longtemps là. C'est le 13 juillet. Ah bah c'est moins d'un mois, quoi. Moins d'un mois, très juin. Ouais, non mais ne prononce pas le mot coupe, moi ça me perturbe. Hein. Le mondial. Ouais, voilà, bien. Comme ça t'es tranquille. Hein, voilà, donc on aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Rassurez-vous, Sandro insiste et on sait bien qu'une femme qui demande quelque chose. Là, tu peux faire ce que tu veux là. Ce soir. Oui. C'est vrai. Ce soir, y a rien. Ah, bah, déjà, on va parler à Mike, pas toi. Déjà, ce soir, on va jouer à des jeux de voiture. Ouais, vas-y, fais péter. Vas-y. Bon, bah voilà. De toute façon, avec la coupe que t'as, toi, t'as des voitures. C'est ce que j'allais dire. Des voitures de Blair, d'ailleurs. Hein. T'as mis des néons en dessous de ta caisse ou pas? Laisse-moi tranquille, putain. Arrêtez, je suis vénère. Ah, mais tu vas bien aimer le jeu. Tu vas bien aimer. Ah, putain. Et franchement, moi, je suis chaud. Hein. Dommage, je suis pas à l'abri d'aller acheter des néons et de les mettre dans la voiture. Hein. Arrêtez, putain. Des mettre en dessous. Mais qui clignotent, tu vois, des LED. Des LED. Une grosse tête de mort pour mettre devant. Ouais, bien sûr. Split Second Velocity, on en avait parlé fin de la semaine dernière. Eh bien, on remettra le couvert ce soir puisqu'il y a des consoles Xbox 360 avec le jeu Split Second City qu'on aura l'occasion de vous filer. Donc l'euro est déjà dessus, bien sûr. Alors ouais, le concept du jeu, c'est un jeu de voiture, mais pas n'importe lequel. Alors évidemment, il faut arriver premier, hein, pour bien faire, mais c'est surtout en fait que en dérapant, vous arrivez à, comment on peut appeler ça, à engranger des points, de l'énergie qui vous permettra de faire péter les bâtiments, de faire péter des avions, de faire péter plein de trucs sur la route et qui, bah, forcément emmerdera les autres joueurs qui vont donc du coup tomber dans des trous, se ramasser des espèces. Bah voilà, l'euro, ouais, sans voilà. Même faire péter quoi que ce soit, il se prend un gros plat. Bah il a joué le chauffeur de Lady Di là. Il était dans un tunnel et il s'est pris le bordel en pleine face. C'était un drame. C'est pas grave. Déjà que la version démo était vachement bien. Mais alors, ah oui, c'est vrai qu'on a la version. Ah oui, l'image est 100 fois meilleure. Ah ouais, là. C'est encore mieux. Là. Ah ouais, putain, là, c'est bon. Là. On l'a branché en HDMI ou c'est toujours un cap pourri ? C'est toujours un cap pourri parce qu'il n'y a pas d'HDMI. C'est une vieille console qu'on a nous, donc on n'a pas le HD dessus. Ah d'accord, ok, merde. Ah ouais, putain, là, vachement bien. Pourtant, c'est même pas de l'HD. Là. Ah ouais, il faudrait tester sur une version HD pour voir, tiens. On essaiera. Bon, et puis donc ce soir on mettra du son, il y aura Train justement avec Hey Soul Sister. On passera la version live qu'ils avaient faite la semaine dernière évidemment dans l'émission. On aura également Tayo Cruz. On se mettra également le son de Facebook, Bel Air DJs avec Tu Facebook qui était également avec nous la semaine dernière. Toff, remis de l'échec avec Elodie. Ouais, j'ai souffert, beaucoup souffert. Pourtant, il se l'a ramené hein, toute la semaine dernière. Mais oui, mais je la baise, mais tu vas voir, elle est déjà dans mon lit. Je suis déjà en train de lui casser les pattes arrière. Et en fait, au final... J'ai cassé mes pattes arrière. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, un drame hein, pour ceux qui n'étaient pas avec nous jeudi et vendredi. Donc, photos et vidéos à mater sur amikael.fr de la venue de Bel Air DJs et de Train. C'est pour ça que je suis à l'Open Ball. C'était, en fait, je pensais que les gens allaient me dégommer, mais en fait, j'ai eu que 2-3. Donc, j'étais déçu. Ouais, je comprends, c'est dur. Pedro qui est là également ce soir et qui pousse les boutons. Salut. Ouais, puisque salut. Hein, et puisque salut. Jack n'est pas là ce soir. Le lundi c'est cuisine et aujourd'hui il faisait des boulettes sauce tomate avec frites et riz. Ah. Ça fait beaucoup là. Il faut choisir un moment. Ah non, il fait les deux d'un coup. Ah ouais. Ah c'est quoi son but? C'est de passer dans l'émission de Cyril Lignac. Il s'entraîne pour machin. Faire un dîner presque pourri, ouais, connaissant Jack. Ou un dîner pourri. Ouais. En fait, hein, je vois pas pourquoi mettre presque au final, hein, ça sert à rien. Bon, et puis vous, si vous voulez discuter avec nous ce soir, eh bien, sachez que vous êtes les bienvenus. 612 mikael.fr, vous avez pris l'habitude. Et le 0800 70 42 48. Démarrons avec le répondeur également ce soir. 01 40 71 3400. Écoutons les messages que vous nous avez laissés ce week-end. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut l'équipe, ouais, j'ai envoyé un mail à Micha, mais bon, comme il est mauvais, il n'est pas foutu de répondre aux mails. Ouais, parce que moi, mon anniversaire, c'est le 25 mai, et j'aimerais avoir une note d'accès pour passer mon anniversaire avec vous. Mais comme il ne répond pas, obligé de vous envoyer une lettre. Donc je vous ai envoyé une lettre avec écrit le truc dessus, plus une petite lettre qui est destinée à Toff. Voilà, donc si vous recevez une lettre, Tof, attends-toi à quelque chose de super cool. Bisous, bisous, je vous aime. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut à toute l'équipe, c'est pour péter un putain de coup de gueule pour Sarko Game, là. Putain de ses dents, là, vous en avez pas marre d'électrocuter Sandro, la pauvre, là. Elle agonise sur place. Et toi, Sarko, tu te marres? Ça fait mal, Sandro. Pour Sandro, je te plains, hein. Bon courage pour le prochain Sarko, hein. Fin du message. Message suivant. Ouais, bon, moi, c'est pour passer un coup de gueule, parce que je vois pas pourquoi, Michael, tu répètes toujours les règles du jeu du Sarko Game, parce que ça sert à rien à la fin. Si. Après, tu te plains que tu fais pas assez d'audience, machin et tout. Mais les gens, ils en ont rien à foutre des règles du Sarko Game, à la force, ils les connaissent. Alors, voilà, ça leur fait perdre 5 minutes, et donc, du coup, ils changent de radio, voilà. Après, tu passes à une chanson, du coup, ils changent de la radio, parce que ça les énerve. Du coup, tu reviens, parce que t'as mis à l'aise. Arrête de répéter les règles du Sarko Game. Voilà, ciao, bisous. Et ben, je répéterai deux fois. Ah oui, tout le monde n'est pas au courant. Bah exactement, surtout que la seule fois où je l'ai pas faite, l'auditeur, hey, il répondait un truc et c'était à côté parce que il n'avait pas suivi les règles et il ne connaissait pas les règles. Mais ce qui est drôle, c'est que Micha leur donne les règles juste avant de passer. Hein. Oui, en plus, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Enfin bref. Michael, le podcast. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Ah, oh, Jean-Claude, oui, c'est vrai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie aujourd'hui. Ah bah ah. Oui, alors je suis venu, hein, c'est ma journée aujourd'hui. Bah oui, enfin bon, c'est. Ah oui, bah c'est oui, pas si votre c'est journée. Ma journée. Si ouais. C'est ma journée, vous pouvez non. Rien me dire de méchant. Ouais, ouais. Sinon après, je dirais que vous êtes homophobe. Oui, oh, et bon, vous irez en prison. Ça me donnerait beaucoup d'argent. Ah, et casse-toi. T'as bien compris le principe. Ah bah oui, c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui. Bah bien sûr, vous avez raison d'en profiter, évidemment, évidemment. Bon, alors Jean-Claude, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah ben rien, vous allez me flatter toute la soirée. Ah bah alors là, demandez au... Roux, lâche cette console. Attends, mais j'ai bientôt fini. Lâche la console, mais pause, tu joueras pendant la pub et encore. Tu veux jouer avec mon joystick? Regarde, je fais tomber la tour de contrôle. Mais je m'en branle, joue avec le joystick de Jean-Claude si tu veux. Non. Non bah vas-y, tu vas voir. Il est là, il est que pour toi, tu peux titiller le gros bouton rouge. Bah, tu vas surtout réussir à faire décoller des avions avec le joystick. Ah bah oui, un très très gros avion. Bah oui, tu vas voir. Bon, rouge. Jean-Claude Airlines. Mets pause. Jean-Claude Airlines. Voilà, dépose. Mets le joystick là-bas. Mets le joystick là-bas. Il est là le joystick, attrape-le. Dépose-le là-bas, voilà. Sinon je demande. Non. Tu me prends... Ah ouais d'accord, je croyais qu'il était en train de me prendre pour un dieu. Je le mets par terre si à côté de moi. Non mais tu sais quoi, si tu continues on va appeler Pascal le grand frère hein. Ouais, franchement ouais, tu vas finir Ouais ouais non mais fais le malin. Tu veux vanner ce soir sans non, mais... non. Parce que moi pour Non mais c'est bon, j'ai moi j'ai des trucs à dire pour couper court à toutes tes vannes. Pour couper court ouais. Mais ça a déjà été fait, couper court hein. Très court. Vous emmerdez pas à vous batailler là-dessus hein. Tout est déjà fait. Bon, d'ailleurs moi aussi j'aimerais bien que le roux il me coupe très court. Oui bah il va vous couper court. Donc vous allez où vous allez rester à la toisson, si j'ai bien compris. Ah bah oui. Ah génial. Et oui, dès que j'aurai envie de réagir, je réagirai. Ah bah écoute. Ah bah oui, et vous me flatterez toute la soirée. Non mais attends, la journée contre l'homophobie, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être méchant, pas qu'on doit te flatter. Eh bah voilà. On va pas faire. C'est pas une journée méchant. Pour les homosexuels. Donc déjà, tu me parles pas sur ce ton. Non mais ça n'a rien à voir. On n'est pas méchant quand on vous prend là à l'antenne. Ah bah non, on est taquin. Quand on me prend, j'aime bien. Bon bah voilà, très bien, parfait. Bon, Nicolas qui est là maintenant avec nous, 18 ans de Saint-Étienne. Comment ça va? Salut. Ça va bien, Nico? T'as passé un bon week-end? Bah ouais. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Bah rien de spécial. Ah bah rien de spécial, bah, écoute, c'est parfait aussi. Hein. Ah, Jean-Claude, on vous dit bonsoir. Ah, bonsoir mon loulou. Comment vas-tu mon Jean-Claude? Mais je vais bien toi mon chéri, on se connaît? Ah oui, bienvenue à Fecting Blue Boy. Ah tu viens souvent? Ah bon, t'es un fidèle? Ouais là, Fecting Blue Boy, je connais par cœur. Ah ouais. Tu connais par cœur. Tu connais les moindres recoins mon chéri. Ouais, oh là là, bah quelle chance. Ah bah oui, il aime bien quand je dormais dans les coins sombres. Ouais ouais, bah le roux va mal, comme un fan... Comme ouais. Un fan d'une équipe qui s'est cassé la gueule. Ouais, j'avoue. Bah où en fait Paris est à New York là. Ouais, ils sont allés à New York quoi. Pourquoi faire? Pour fêter. Ils font une tournée américaine pour promouvoir la marque PSG. C'est bien que l'humour français s'exporte. Bien joué, bien joué. Ouais ouais ouais, c'est vrai. Bah là de toute façon. Là, de toute façon, la moindre vanne, il pourra rien dire. Hein, non, si, non, d'habitude, les vannes sont pas drôles. Là, ça va, c'était sympa. Ouais, bon, bah écoute, comme quoi, hein, tout arrive. Bon, qu'est-ce qui se passe, Nico? De quoi on parle avec toi? Bah, j'aimerais parler des apéros géants. Des apéros géants. Ah oui. Ouais, bah oui, oui, oui. Les bourrages de gueule géants, ouais. C'est ça. D'ailleurs, Sandro y a tellement été qu'elle a été chez le coiffeur juste après, un drame. Ouais, les apéros géants, bien sûr. Hein. Enfin bon. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous parler de quoi exactement par rapport à moi, ça trouve... Bah moi, j'aimerais déjà dire que c'est complètement con ces trucs d'apéros géants. Ah bon, pourquoi? C'est inutile. Tout ça con, le fait d'aller se bourrer la gueule comme ça pour non, un. À la base, un apéro, c'est pas un bourrage de gueule, tu vois. C'était juste, tu vas boire un apéro. Tu sais pertinemment que ça va finir mal, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait l'apéro, hein. C'est vrai. Ça c'était au moins une semaine. Bah on avait soutenu cette association qui voulait faire renaître, faire relancer l'apéro. Et bon là, en plus, tu sais, les journées commencent à devenir longues. Il fait encore clair là et tout. Ouais, c'est vrai. Les journées commencent à devenir longues, donc. Bon, on aura un studio en plein air, je prendrai l'apéro tous les soirs. Ah, grave. Ouais. Ah ouais, ça serait pas mal, ça. Enfin bon. Bon, et donc, du coup, tu trouves ça con de se bourrer la gueule? Oui. Bah, moi, je trouve ça con, et puis parce que bon, bah, en plus, que ce soit Facebook, enfin, que l'on utilise Facebook pour l'organiser, alors qu'à la base, Facebook, c'est pas fait pour ça, quoi. Facebook, c'est fait pour ce que tu veux. Bah, à la base, non. Facebook, c'est plutôt fait pour, je sais pas, rencontrer ses amis et tout. C'est pas fait pour créer des apéros géants pour que des gens aient se bourrer la gueule. Bah, y a plein d'événements qui se créent sur Facebook, hein. Ça fait partie du délire maintenant. Bah, ouais. Ouais, mais bon, que ça aille, enfin, jusqu'à quand même braver l'interdit, parce qu'à la base, ça brasse quand même. Enfin, il y a des. C'est interdit, il y en a qui le font, quoi. Je trouve ça complètement. Ouais, mais en fait, les premiers apéros, c'était un mec qui avait créé un groupe à la. Comme ça, une connerie, en se disant, ouais, je vais faire un apéro avec 10 potes. Et au final, bah, ils étaient 3000, quoi. Ouais, mais bon, moi, je trouve qu'à la base. Ouais, toi, t'es pas un mec qui aime t'amuser, toi. Bah, toi, tu penses que les gens, ils doivent rester chez eux, boire tout seul dans leur coin. Non, il veut dire par là que les gens sont pas responsables et que c'est vrai que c'est un peu inconscient de faire des trucs comme ça. Quoi. Il a raison, parce que le mec qui est mort, c'est pas à cause de l'apéro. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu l'apéro, il aurait pu faire la même connerie. Hein. C'est... Bah, non, mais on peut dire aujourd'hui. Voilà, on peut dire aujourd'hui qu'il s'est bourré la gueule à cet événement et ce qui a donné un. Après, oui, c'est voilà, ça. Voilà. Qui a entraîné sa mort, quoi, voilà. Parce qu'il a fait une connerie. Voilà. Mais moi, voilà, moi je trouve pas que. Enfin, moi j'aimerais savoir ce que les auditeurs en pensent, mais moi je trouve pas que Facebook ça sert à ça à la base. Ben, tu penses que c'est inciter les gens à la connerie en fait? Voilà, ça fait les Non mais à ce moment-là, Nico, je te donne juste mon avis maintenant, mais à ce moment-là, tu peux penser pareil de nous quand on fait des conneries et qu'on fait des espèces d'expériences complètement idiotes et qu'on dit de pas le faire. Après, t'as probablement des gens qui essayent quand même parce qu'ils réfléchissent pas. Mais c'est la même chose. Ah bah oui, mais enfin là aussi, le fait de lancer l'apéro par exemple, c'est peut-être aussi à prendre un second degré. Et encore, même si tu prends le truc au premier degré, ils te disent pas qu'il faut te bourrer la gueule. C'est parce que les mecs après transforment le bordel et se bourrent la gueule, mais ils t'incitent pas à te bourrer la gueule à la base. Parce qu'à mon avis, la moitié des gens qui vont là-bas, la moitié ils vont vraiment pour prendre un petit apéro entre amis, quoi. Après, ils se bourrent pas la gueule jusqu'au bout. Ils doivent bien savoir que beaucoup ils vont se bourrer la gueule. Mais non, mais d'accord, mais c'est non, mais il y en a, mais bien sûr. À la base, mais... tu vas pas pour ça. L'événement, il a aussi été créé parce que en France, les gens se parlent plus, voilà. S'ignorent complètement. C'est convivial quand même. Les propres voisins se disent pas bonjour, etc. Donc je pense que lui, il a juste voulu réunir un peu tout le monde. Parce qu'avant, c'est vrai que les gens, ils allaient prendre l'apéro assez régulièrement. Ouais, c'est ça. Et même ils allaient au bar. Maintenant, tu vas dans le coiffeur, les bars. Ah, c'est bon, arrêtez. Tu es assez vénère comme ça. C'est le seul moyen de pas y penser, c'est d'être en émission là tranquille pendant 3 heures. Raté, je parle d'autre chose. On va te saouler avec ça. Ouais, je savais. Est-ce qu'on pourrait mettre les différents plans des caméras sur tous les écrans? Arrêtez, putain, je savais que j'allais m'en prendre plein. Ce serait bien. Oh, mais j'ai non. J'ai attendu la fin de saison pour me jeter à l'eau et voilà. T'aurais dû faire un mois de plus. Hein, j'aurais dû attendre. J'aime bien l'arrière de ta tête qui est complètement tondue là. Je trouve ça sympa. Bah mais on voit ta nuque. Hein. Ouais, voilà. C'est un endroit qu'on n'avait jamais vu encore. C'est sexy une nuque. Bon, on continue à en parler dans un instant. Nico reste avec nous. Donnez vos avis, les autres, amical.fr dans la rubrique la communauté pour venir tous nous rejoindre sur le groupe Facebook. On est quasiment 63 000, donc continuez à venir, hein, pardon, tous les autres. Là, on est à 70 personnes on sera 63 000. Amical.fr, 612. Mickaël, le podcast. Il y a un message qui est arrivé de Gwenaël qui dit: pauvre Sandro, fallait pas prêter ta voiture à Toff, qu'est-ce qui t'a pris? Oui, bah, elle a pas trop eu le choix. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Il y en a plein qui proposent. Alors, il y en a un qui disait une photo ou une vidéo, je crois, où Toff se mettait un tampon dans le fion. Oh. Non, c'est pas ça. Oh, vous êtes gore. C'est pas ça. Donc, Sandro a prêté sa Smart à Toff et qu'a-t-elle trouvé dans la portière? Donc, hein, ce n'est pas une capote, ce n'est pas un tampon usagé. Cela dit, on n'est pas loin. C'est très Toff, quoi. C'est très Toff, effectivement. Voilà. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à proposer, bien sûr. On a des cadeaux aussi, hein, ce soir. Comme je vous le disais, console Xbox 360 avec le jeu Split Second Velocity Roux. Ouais. Sandro. Ouais. Je le teste. Mais une décharge. Ça y est, j'ai arrêté. Direct, depuis tout à l'heure, il se fout de ma gueule. Ah! Voilà. Oh, putain, mais. Oh là là là là là! C'est fini maintenant, ouais! Terminé? T'as dit quoi sur ma coupe tout à l'heure? grâce à cette coupe, tu peux largement être Miss France. Hein. Ah! Non, t'enflamme pas. Le jeu n'a pas commencé. Le jeu n'a pas commencé. Bon, il y a également donc des séjours sportifs d'une semaine pour deux personnes. UCPA, donc c'est valable un an. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail tout à l'heure. On a également des places pour le concert de Muse à vous filer. Ça se passera le 25 mai avec Energy et avec Orange. Et puis des compilations Energy Hit List. Pour jouer au Sarco Game, Morgan et Loïc. Bonsoir tous les deux. Comment ça va? Bien, nickel. Vous allez bien? Ouais, bah oui, ça va bien aussi, ouais, tranquille, soyez bienvenus, vous avez passé un bon week-end? Ouais, super, ouais, tranquille. Bon, tant mieux. Alors, Morgan, t'appelles du 59. Morgan, d'accord, ok. En même temps, vous êtes chiant, c'est toujours écrit de la même manière, et l'un, c'est Morgan ou c'est Morgan? Et à chaque fois, il me faut l'arma. C'est Morgan, s'il te plaît. C'est Morgan, s'il te plaît. D'accord. Bah là, c'est okay. Morgan, s'il te plaît. Ah bah là, c'est. Ah bah, tu sais quoi, je t'appelle Rachid. C'est pas mal aussi. Voilà, tu vas voir, ça va être bien aussi. Rachid, écoute, s'il te plaît. Bon, alors, Morgan, donc, tu veux jouer avec qui? Je vais jouer avec Toff. Avec Toff, parfait, petit test. Ça c'est pour ce que t'as laissé dans ma voiture. La prochaine fois tu ramasseras. Ah quoi, c'était juste un petit un apéritif là. Bah c'était le test. Non, ce qu'il a mis là. Ce que t'as mis, c'est juste un apéro. Non, ah bah tu l'as mis comme décharge. Non, t'étais à fond là, t'étais. Non, j'étais pas à fond, je peux faire mieux encore. Très bien. Et toi Loïc, tu veux jouer donc avec Roux? Exactement. Parfait, petit test. Mais non, mais pas. Mais ah putain, mais pas vite. Et tu touches pas, malade. Tu touches pas la machine. Écoute, t'as voulu chambrer. Tu m'as dit que genre Miss France, ma coupe de cheveux et tout là. Mais c'est gentil Miss France. Dit la... Non, c'était pas gentil. Ouais, ah par contre, il a également dit tout à l'heure que tu. Tu pouvais faire une crête. T'as que dit t'étais punk. Tu punk. Non, moi j'écoute du punk. Pas là. Moi je te fais. Moi j'écoute du punk. Moi. Pas ça. Moi j'écoute du punk. Non, pas toi. Non, toi t'écoutes Michael Jackson, la vraie musique quoi. Oh, quel susbite alors. Non, c'est vrai. Le docteur Murray qui a sauvé quelqu'un récemment. Ah bah comme quoi tout arrive. Tout arrive. Tout arrive. Bon, docteur de Michael. Quoi. Nicolas Sarkozy qui est avec nous également comme quasiment tous les soirs. Bonsoir Nico, comment ça va? Bonsoir Michael. Moi je suis un petit peu bourré, on sort d'un apéro géant avec Jean-Luc Morlot. Bah vous étiez sur. Bah oui forcément. Bah avec qui d'autre? Il y avait Vladimir aussi. Oui, bah forcément aussi, ouais. Bon, vous avez passé un bon week-end, Nico? Bah parfait, je suis un peu triste que personne ne me félicite. J'ai quand même libéré une étudiante. Iranienne? Oui, il paraît que c'est une espionne. Ah oui. Bon, bah voilà, ouais, en fait, donc c'est juste quelqu'un de chez vous que vous avez libéré en fait. Oui, bah je l'ai juste échangé contre un terroriste et une bombe atomique, et puis voilà. C'est oh, bien. Bon, ça bah va. Alors si c'est que ça, tout oui, va bien. C'est le troc habituel. Oui. En fait, c'est le IB du président, quoi. Voilà, tu sais, il a fait un petit échange, tout ça, c'était bien. Bon, bah très bien. Et 300 000 dollars quand même. Oui. Ah, quand même. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Si, ça c'est l'amende officielle, après il y a le reste. Ah d'accord. Je vois que t'as fait bien au courant. Ouais, bah, il a pas passé que son week-end dans une Smart. Hein. Non. Bah non. Mais c'était pas ce week-end. Enfin si, c'était ce week-end ou pas? Non, c'était pas ce week-end. Oh, je sais même plus quand c'était. Ah ouais, mais Nicolas, il me rappelle un truc qui me met un peu hors en de moi. Contrarie. En pétard, comme tes cheveux. Oh là là, ça sent la décharge. C'est Ro qui me l'a soufflé. Ça me fait pas rire du tout. C'est Ro qui m'a soufflé cette vanne. Il vient de dire que ça le faisait pas rire. Cette vanne douteuse. C'est vraiment nul. Ah bah c'est facile de m'écrire des vannes et après de dire que c'est pas bien. Sandro, Toff est au téléphone. Ah oui, alors là c'est n'importe quoi ça quand même. Ouais, mais c'est la c'est la Smart. Ah ouais, voilà, c'est ça. Arrête. Oh et oh, ça. J'aime pas les balances. Oh, allez, c'est on beau, y va. C'est beau. Wouhou. Morgan et Loïc, je vais donc. On peut faire 10 questions exceptionnellement. Non, Nico, allez, on peut pas. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y en aura quelques-unes qui sont bonnes. Je rappelle les règles du jeu spécialement pour l'auditrice du répondeur. Oui. Ouais, deux fois. Exactement. Je vais donc vous les rappeler. Donc alors Morgan et Loïc. Morgan, tu joues avec Toff, Loïc avec Roux. Je vais donc vous poser des questions. Le premier qui a la bonne réponse donne son nom bien fort. Si c'est Morgan par exemple qui donne la réponse et qu'elle est bonne, tant mieux. À ce moment-là, c'est Roux qui prendra une décharge puisque le Roux joue avec Loïc. Si elle est mauvaise, à ce moment-là, Toff prend une décharge et Loïc peut à ce moment-là se concerter avec le Roux. D'accord ? Et il faut bien évidemment prendre la main impérativement, que ce soit l'un ou l'autre. Si vous ne le faites pas, je le ferai à votre place. Je choisirai l'un de vous deux, ok? Ok. Bon, et parce que je me saoulais moi-même, je vais pas le faire une deuxième fois. Ah ouais, moi j'avais demandé que tu le fasses une deuxième fois. Non. Peut-être à la fin du jeu, on verra. Allez, première question, Morgan et Loïc, c'est parti. Dans quel milieu travaillera le personnage interprété par Carla Bruni-Sarkozy dans le prochain film de Woody Allen, Midnight in Paris? Morgan. La mafia, mauvaise réponse, décharge pour Toff. Doucement. Ou elle va à fond. Doucement. Oh là. Non, doucement. La prochaine fois, tu ramasseras tes merdes. fait pour ta gueule. Est-ce qu'elle criait comme ça aussi ou pas? En tout cas, il lui a mis la même décharge. Ah oui, oui, là, là elle a pris... T'as pris ta mère, là, Adolf, hein. Arrête, arrête, je crois que mon corps, mon cœur, il a lâché là. Chose, la chose. Ah, il y a Quentin sur le groupe Facebook qui a trouvé. Donc ça y est, c'est fait. Hein, je ne donnerai pas la réponse. On vous aurez la surprise d'ici quelques minutes. Loïc. Loïc, tu peux te concerter avec Leroux. Alors, t'as une idée ou pas du tout? Moi, je dirais dans un musée. Non, dans quel milieu? C'est pas le milieu des musées. Dans quel milieu? Moi, je dirais le milieu de la mode. Mais c'est bon, voilà. Ou le milieu de la nuit ou la culture, moi. La culture. Mais non, mec, c'est... Bah, au revoir. Hein. Milieu de la culture, ça veut rien dire, milieu de la culture. Bon, allez, il faut milieu de la... Dis, milieu de la mode ou milieu de la nuit, comme tu veux. Oui, la connaissant. Hein. Ça s'appelle Midnight, tu vois, minuit à Paris, peut-être milieu de la une nuit. Une réponse milieu... C'est bon, là. Loïc, vite. La mode. La mode. Mauvaise réponse, des charges pour l'euro. Ah, putain. La réponse était le le musée. Alors excusez-moi, alors déjà je m'excuse pour toi Loïc, je t'offrirai un pins pour m'excuser. Par contre ça veut rien dire, dans le milieu du musée ça veut rien dire. Dans quel milieu travaillera un musée? Non bah ça veut rien dire. Eh ben peut-être que ça veut rien dire mais c'est la réponse. Eh ouais, il y a parfois des problèmes comme ça, tu vois, ça arrive. Ouais mais on dit comment pour les gens qui travaillent dans les musées, les conservateurs? Oui, Sarko, oui, il est conservateur. Oui. Ah oui, bah, oui, il va conserver, je confirme. Bon, 0-0, deuxième question. Quelle star de la pop va voir sa biographie détaillée dans une bande dessinée dont elle sera l'héroïne? Morgan Loïc? Morgan? Lady Gaga? Lady Gaga, bonne réponse, décharge pour vous. Bravo Morgan! Oh, t'as déchiré! Attends, et je rêve ou Leroux est en train de négocier là? T'as déchiré Morgan. Je rêve ou Leroux est en train de négocier la décharge? Il négocie pas, il m'ordonne de baisser. Hein. Non mais je rêve. La prochaine fois que tu me donnes un ordre, fais gaffe. Hein. D'accord. T'as l'air moins violente que les autres jours. C'est plus violent mais c'est moins souvent. Ah non, c'est beaucoup plus violent là. Ouais, parce que je les ai vraiment là, pour le coup je leur ai fait très mal. C'est-à-dire que là elle met à donf. Ouais mais tu vas prendre cher en gros. Non ça va, je suis calme. Justement, c'est parce que je pense à plus tard. Hein. C'est pour ça que j'en mets pas trop. Bon, du coup, bonne réponse. Bravo à toi, Morgan. Un point. Troisième question donc. Pourquoi Christophe Guermet, le styliste de la ferme célébrité, s'est-il fait refouler hier du tapis rouge au festival de Cannes? Morgan. Parce qu'il est mal habillé. Parce qu'il est mal habillé. Enfin, il s'est mal zappé, quoi. Si, ça va. Tof, on t'a pas demandé ton avis. Oui, il joue avec moi. Ferme ta gueule. Bonne réponse. T'as pas le droit de l'aider. Non, non, si, si. T'as pas le droit, t'as... mal habillé. Tof, t'as pas le droit de l'aider, hein. Quelle était la véritable réponse, Michael? Il avait déjà donné la réponse. La réponse, c'est parce que... Stolz. À lequel? Donc il a envoyé God Save the Queen. C'est parfait, c'est la meilleure. Voilà, donc on mettra 2 minutes 30, mais ça va être Ah c'est parfait. On mettra ça après pour spécial dédicace à Sandro, oui, en hommage à ses cheveux. Ouais. Michael, le podcast. Alors Amélie, tu vas jouer dans quelques instants en question pour une réponse. Tu vas vouloir jouer avec qui? Tof. Avec Tof, très d'accord. Très bon choix. Et donc Gaspard, tu veux jouer avec qui? Moi je joue avec Leroux. Et le contraire, ne m'aurais pas étonné. On y va. Personne veut Sandro depuis qu'elle a sa coupe punk. Hein. Vous avez remarqué que tout à l'heure, Sarko Game, elle a pas joué. Question pour une réponse, elle a pas joué. Finalement, cette coupe de cheveux va me porter chance alors. Bah écoute, qui sait? Pas sûr. Pas, ou alors juste pour les jeux. Hein. Peut-être. Alors. Oh. Oui, bah oui, parce que déjà ça mal commence aujourd'hui. Mais non, mais c'est le temps de s'y faire, c'est tout. Ouais, non, ça va aller, demain ça ira mieux. Ouais. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Et en effet, tous les soirs, de questions pour une réponse. Oui, ça le fait mal comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, Roux? T'as mal au crâne? Pas du tout, j'ai mal aux yeux. Ah oui, bah c'est normal, t'as passé 3 heures derrière la console. Ouais, c'est vrai. C'est un peu difficile de pas voir. Surtout sur un écran 42 pouces avec le nez collé à l'écran. J'aurais dû me reculer, ouais. Oui, bah je te confirme, effectivement. Bon, Amélie, tu joues donc avec Tof aux questions pour une réponse. Et Gaspard, tu joues avec Larousse, d'accord? Ouais. On va y aller, première question. Est-ce qu'Amélie peut s'appeler Geneviève, juste le temps du jeu? Non. Ça va poser des problèmes, ce n'est pas une bonne idée. Salut, Julien. Bonsoir, Julien. Bon, on va y aller, donc, première question. Attends, oui, petite. Julien, vous pensez quoi de la coupe de cheveux punk de Sandro là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas facile de redevenir sérieux. C'est vrai, effectivement. Lui-même a beaucoup ri. Hein. On a la même coupe. Ouais, pas loin, il est un peu dégarni lui. Hein. Oui, mais bon, il est frisé. C'est cette coupe là. Oh, t'es pas frisé toi. Ah, mais entre temps, je suis rentré chez moi me faire les lycées. Ah, d'accord, ok. Sinon, ils sont. C'est un mouton quoi. C'est une coupe mouton. On s'arrête là. Un mouton punk. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Allez, on y va. Première question. Vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Top. Je peux très bien être une commune française située dans le département de l'Ardèche et de la région Rhône-Alpes. Oui. Mon cul? Non. Qu'un album studio d'Alain Souchon sorti en 1976, mais on me connaît mieux sous forme de récipient composé de fermetures étudiées. Oui. Jar. Non. Pour le transport et le stockage de liquide à moindre coût, en effet, on peut me retrouver sous plusieurs formes comme Le bidon. Le bidon, bonne réponse. Oui. Comme parallélépipédique ou cylindrique, je suis également utilisé. T'as très cher. Non? Vu ce sourire de merde. Non, Sandro me dit je l'avais. Elle m'a dit je l'avais, mais non, c'est il est bidon. Ah oui, un album qui est de Souchon ne peut s'appeler que bidon. Ouais. Pour parler d'un ventre gros ou maigre, la grosseur n'a pas d'importance. Quand une chose est nulle, on peut m'utiliser aussi. Je rime avec dindon, marron ou encore amidon. Je suis donc un bidon. Deuxième question et 1-0 pour Gaspard. Voilà une bonne question. Oh, c'est dur, Gaspard. Mais non, c'est pas mal. Il en faut des noms comme pas ça. Pas mal, tu trouves? Bah moi j'aime bien Gaspard. Ouais. Pas, oui, je devrais pas ça comme mon fils, hein, mais j'espère que t'auras pas de fils surtout. Hein. Deuxième question. Qui suis-je? Oui, oui, effectivement. Je suis d'une commune française qui se trouve dans le département de la Savoie et de la région Rhône-Alpes. Je suis situé au cœur des Alpes, à la limite de Tarentaise, de Beaufortin, et du Val d'Arly. Ma situation géographique? Évian. Non. Et mes atouts montagnards m'ont permis d'accueillir les 16e Jeux Olympiques d'hiver en... Albertville, bonne réponse. Oui. De 1992, je suis la ville d'un certain Albert, non pas de Monaco, mais d'Albert tout court. Je suis jumelé avec Winnenden en Allemagne et j'entretiens des pactes d'amitié avec la ville d'Aoste en Italie. Je suis donc Albertville. Dernière question et un partout. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Attention. Quand tu veux, Amélie, hein, parce que le jeu a commencé. Oui, Amélie, quand tu veux. Hein. Top, je suis né le 12 septembre 1972 à Londres, au Royaume-Uni, et je suis un acteur britannique avant de me lancer dans le cinéma. Hugh Grant. Non, je faisais... Robert Pattinson. Non, je faisais partie de l'équipe olympique de natation de Grande-Bretagne. J'ai mon premier casting à 12 ans où je fus refusé, j'ai ensuite été pistonné pour mon premier rôle dans le film Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie. Je suis mondialement connu pour mon rôle de Franck... Franck Martin dans la trilogie du... Jason Statham. Bonne réponse. Oui. Des films d'action, Le Transporteur, mon acteur favori est Sylvester Stallone et j'aurai la chance de jouer à ses côtés en 2010 dans The Expendables. Je suis donc Jason Statham. Bonne réponse et victoire d'Amélie, même si elle n'a rien branlé. Oui. Je ne te félicite pas, Amélie. C'est le elle s'en fout, elle a gagné. Oui, elle a gagné, mais enfin, elle n'a rien foutu. Hein. Ça, c'est dramatique. Elle s'en fout, elle a bien fait de rien foutre. Je te reprends le standard, tu pourras me remercier. Oui, bah elle va dire merci, tu peux le faire maintenant si tu veux. Non, je pense pas qu'il est... C'est pas ce genre de merci que je cherchais. Mais surtout qu'il n'aura rien de plus. Ah, c'est pas dit, hein. Oh, si, mais bien sûr. Amélie, t'as déjà vu, Toff? Oui. En vrai? Oui. Ah, c'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui as mis ton cul dans le volant de Sandro? Non. Ah, mais est-ce que Toff, t'as déjà fait le cul? Non. Mais c'est... Mais tu l'as rencontré comment? Tu l'as rencontré comment? Dis-nous, on veut savoir, nous. Comment je l'ai rencontré quand il était une fois près de chez moi. Où ça? À Strasbourg. Ouais. Allez, continue. Bon, alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Non, mais si. Non, mais t'aurais bien voulu. Il aurait bien voulu, lui. C'est lui qui a voulu, tu l'as mis un vent ou pas? Non. Ouais, c'est ça, ton non, là, ouais. Moi je te crois pas une seconde. Est-ce que pour que tu ne dises rien, il... Ah, ta gueule, selon des sources est-ce que pour qu'il ne dise rien, il t'a menacé? Non, mais Toff, menacer non. quelqu'un, faut pas déconner. Je sais pas. Alors, j'ai des sources. Alors, attends, soit tu nous dis de toi-même, soit Roux balance qui c'est. Balance. Alors? Mais Roux, il sait pas qui je suis. Ah, mais moi, je viens d'avoir des sources. Alors, soit tu nous dis la vérité de toi-même, soit Roux va balancer des doses. Alors que rebalance. Alors, apparemment, Amélie se serait pris une cartouche par Toff. Ah non. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais alors au niveau de l'explication. Alors, tu as trop parlé, Amélie. Ben non. Tu l'as trop dit ou pas assez? On m'amène mes sources. C'est Roux qui dit n'importe quoi. Ouais, malheureusement, je ne peux pas t'offrir un cadeau, hein, puisqu'on pourrait dire que ça a été pistonné. Exactement. Eh oui. Cette saucisse. Quelle est cette saucisse? Bah, c'est l'habit de Toff, a priori. Mais hein. Toff, tu vois qui c'est au moins? Attends, Toff, il dit rien depuis tout à l'heure, ça pue la merde. C'est qu'il a un dos, c'est qu'il a des problèmes là. Non, je sais pas. Il y a pas très longtemps. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, c'était au Music Tour. Amélie, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Oui, c'était il y a 1 an et demi. Parce que si Toff... Si Toff ne l'avait pas cartouché, il aurait dit mais j'aurais bien aimé te baiser. Mais faisons comme je vais le standard pour la baiser. Mais je me lèche les babines. Est-ce que je peux dévoiler mes sources? Vas-y. Bah non, ça sert à rien. Je pose la question à la On dévoile source. Jamais ses sources, t'es con ou quoi? Ah bon, si tu veux d'autres doses, faut pas aller. Ouais, bah oui, mais là on n'a pas d'explication, Amélie veut pas. Ils ont couché ensemble, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Non, il n'y a aucune explication à donner, il n'y a aucune source, puisqu'il n'y en a pas. Donc il y a une cartouche. Nous avons compris. Au revoir Amélie. Il y a pas de problème, il y a pas de mal, il y a pas de mal. Non mais peut-être que Amélie veut dire autre chose. Mais non, peut-être tu as refusé. Je te reprends au standard et tu pourras me remercier dignement. Peut-être tu as refusé de coucher avec Toff, je sais pas. Non. Non, tu as accepté donc. D'accord. Bon, écoute, pas de problème Amélie. Pas de problème. Ouais. Bon Amélie, je te repasse Michel au standard. Salut Amélie, gros bisous, ciao. Et salut Gaspard également. Et retour du question pour une réponse demain 21h. Un bisou à tous. Oui, ah bah bisous, Julien. On embrasse Amélie surtout. On va plutôt faire ça comme ça. C'est bien affiché là. Et avant le son spécial pour Sandro, pour sa nouvelle coupe, les Sex Pistols. Yeah. The P.O.W. Show. Maintenant je suis grunge. Merci d'avoir joué avec nous. Et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. C'était pour moi le... Ah. Bonjour, c'est Johnny. Je voulais vous dire que le Popopopopopopolo Show, c'est l'émission que je quitte. Excuse-moi, camarade, mais s'il n'y a que quand on pète ou quand on rote que ça dit quelque chose, on ne va pas causer souvent. Oh oui, je la kiffe. En plus, l'animateur, il est chauve et un peu con. Quelle nullité ce jingle, c'est de la merde. C'est nul et le mec est le plus mauvais imitateur que j'ai jamais entendu de ma vie. Est-ce qu'on peut avoir le jingle de début, est-ce qu'on peut avoir une pub? Voilà, une pub, c'est... Si vous avez envie de coucher avec une fille facile et soumise, mais ne savez pas avec qui, il y a une application pour ça. E-pute, e-soumise est la solution. Pour cela, c'est très simple. Entrez votre adresse dans l'iPhone et l'application se charge de trouver des jeunes filles pas farouches dans votre quartier. E-pute, e-soumise, je vends un c'est Blackberry. Uniquement sur l'iPhone. Je vais te bouffer le je vais te lécher la je vais te... De minuit 13 à minuit 15. Je t'attrape et je fais des chaussures. Tu es chaud, je suis chaud, ne nous refroidissons pas. Polo sur énergie. C'est le polo show avec Gineco. Polo show. Je tiens à saluer Doc Gineco, je sais pas s'il nous entend ou s'il est en train de dormir à cette heure-là, mais je le salue bien cordialement, voilà. On va commencer tout de suite, qui est là? Ouais, Polo. Ouais. Ouais, salut, c'est la concurrence, ça va? Ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est la concurrence, c'est une radio concurrente. Ça ne veut rien dire. Mais si. Mais non, mais je n'ai pas de concurrent. Pour avoir de la concurrence, il faudrait qu'on vende le même produit. Par exemple, si tu vendais des petits pois Z. On vend de la merde, en fait. Oh, parle pour toi quand tu parles de merde. Non, mais je disais en face. Bon, tu sais quoi ton prénom? Moi? Hein, ouais. Je m'appelle Marcel. Bon, c'est bien Marcel, le travail, c'est quoi alors? C'est quoi la concurrence? Ah, tu veux que je dise la radio? Non, j'ai envie que tu racontes une histoire. Ouais, bah, écoute, on voulait t'embaucher, quoi, on voulait refaire... Non, c'est rare, j'ai décidé de lancer que je vends des glaces. Oui, dit, bah refais-la tout seul. Autant mettre de la merde avec de la merde, quoi. Voilà, bah tu vas commencer par te mettre toi, comme ça t'auras une belle merde, et ensuite tu trouveras d'autres merdes. Écoute, on va mettre monsieur... Allez, casse-toi d'ici, on va rien mettre rien du tout. Qui est là? Oh Thomas? Ouais. C'est quoi cette petite voix là? Tu as mis du coton dans ta gorge. Non, j'ai mal à la gorge. Ah bah tu vois, c'est bien ce que je disais. Bon, qu'est-ce que tu veux, Thomas? Bah, je venais prendre des nouvelles. Bah parle plus fort, ça serait bien aussi. Je venais prendre des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Bah de toi. Bah ça va, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu des choses sur Radio Actu, dans Voici? Non, c'est pas ça, c'est... on m'a dit que t'étais tombé malade. Non. On m'a dit que t'avais chopé la grippe. Non. La grippe du porc ou du poulet? Du poulet. Bon, et Thomas, qu'est-ce que tu veux? T'as entendu ça où? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, viens-en au fait, là, tu me saoules. C'est Roux. Quoi, c'est Roux? C'est Roux qui m'a dit. Ça m'étonnerait, connaissant le Roux, je ne pense pas... je ne pense pas qu'il te fréquente ou qu'il te parle. Le Roux, tu sais, le Roux... je sais pas comment il a fait, il m'a appelé, il m'a dit c'est Roux... Ah, tu sais pas comment il a fait, il t'a appelé, mais tu sais pas comment il a fait. Non mais je sais pas comment il a trouvé mon numéro, c'est pas oui, pareil. Mais oui, surtout le Roux. C'est vrai que le Roux, il a dû passer son week-end à changer ton numéro de téléphone et il t'a appelé samedi soir, je parie. C'est ça? Non. Non, c'est quand? Dimanche. Dimanche, tu es un menteur, Thomas, fous-moi le camp d'ici. Est-ce qu'on peut avoir le jingle de fin, s'il vous plaît? Michel Cacara, okay. Patience. Patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et comme toutes les bonnes choses et les mauvaises choses ont une fin, heureusement, ça nous permet de profiter des choses. Enfin, rien du tout. Oh. Alors, qui est là? Ah. Ah, monsieur, ouais. Monsieur, pas de vulgarité, je vous écoute. Comment tu vas, ma couille? Bien, et toi? Polo. Quoi? Je suis un petit peu tendu. Tu es tendu d'où alors? Attends, parce que je fais j'étudie la médecine en ce moment. Ah, je suis tendu par Jack Bauer. C'est quoi ça, Jack Bauer? Jack Bauer. Jack C'est RTT pour Jack. Ah bah oui. C'est quoi le plat du jour? Parce que j'ai pas suivi, moi. C'est boulet de sauce tomate avec riz et frites. Voilà. C'est dur, hein. Y a pas de porc, tiens. Ah non, pas d'accord. Ah, d'accord. Les boulets, c'est un bix des deux. Ah d'accord, ok. Eh, bande de connards, je suis en plein Jack Bauer, j'ai autre chose à foutre. Bah on va vous laisser, alors. Elle est là, Sadra? Ah oui, elle est là. Elle est charmante, elle a une coupe sublime. Elle est punk, maintenant. Une crête verte. Ouais. Y a pas de ouais, c'est bonjour monsieur. Ça va? Elle est percée de partout. Elle a des piercings, des lames de rasoir. Fermez votre gueule que je parle à Sadra. quelle aigreur. Comment ça va, ça... monsieur? C'est qui la salope? Quoi, Sadra? C'est qui la salope? Tu parlais à une salope, apparemment. C'est la salope dans Jack Bauer. Oh! Bah quoi, c'est la salope que j'ai vu. Oh, monsieur! Bon, bah, écoute, monsieur, salut la salope de ma part. Oh, arrêtez avec ça! De toute façon, Sadra? Oui. Tu la connais, c'est la salope que j'ai dans mon plumard. Oh! Tu laisses ma soeur tranquille, je te préviens tout de suite. Ah, d'accord, je pense. Comment j'ai pas le droit de faire de fion? Tout de suite, tu la laisses tranquille. J'ai le droit de faire le fion de Vatata. Oh, pauvre Vatata. Sadra? Elle a rien demandé à personne. Elle a rien demandé, la pauvre. Bon, elle est majeure, elle a plus de 40, 35, 60. Vatata, il vieille quand même. Vatata, elle a 29 ans. Voilà, donc c'est bon. Vatata rime avec batata. Et Zabata. Bon, vous allez faire toutes les rimes en A, là. Envoie-moi une photo de toi, Sandra, ça lui fun. Et Sandra, ça rime avec Ragnagna. Qu'est-ce que t'as de putain de gueule? Non, je peux pas, c'est chaud. Bon, les commères, là, vous allez aller parler de votre... C'est juste que j'ai la même pecou que toi, quoi. Ouais. C'est trop chaud. On dirait Piazzadora. Quoi? Bon, laisse tomber, tu connais tes projets. Non, je connais pas, non. C'était caissière à l'époque. Sandra? Oui. Il est là, Roux? Il est là, il joue. Il joue à quoi? Il joue aux jeux vidéo, on va lui envoyer Pascal le grand frère, hein. C'est plus possible. C'est plus possible. Il est là, Ikaël? Il est là, Ikaël. Et Ikaël? Oui. Je voudrais une prise pour mon iPhone. Oui, bah allez, j'ai Apple. Oui, bah oui. Il est au courant? Bon, on va y aller. On va y aller, les gars, merci pour tout. Ouais. Je voudrais finir avec Sadra. Vite alors, deux secondes, monsieur. Je compte. Un. Sadra. Vas-y, deux. Vas-y. Je t'embrasse avec la langue. Oh, allez, monsieur, au revoir. Ah, il veut pas répondre. Au revoir, monsieur. Qui est là? Bonsoir. Ouais. Bonjour monsieur. Non. Allô, vous êtes trompé de téléphone, madame. Vous êtes chez un particulier. Vous demandez qui? Vous êtes chez un particulier, madame. Vous êtes chez un particulier, madame. Mais non, je suis pas chez un particulier. Si, madame. Mais non. Bon, allez, hop, chanson, allez, on y va, vite. Ouais, laquelle? Le roux. Celle du roux. Le roux. Ouais. Alors, c'est le roux qui vient s'éveiller. Elle est bonne, la chicorée de le roux. Le roux au petit déjeuner, un amour de roux. J'ai bu toute la chicorée de le roux. Maintenant, je n'arrête pas de mouiller. Le roux est bien réveillé. Il va vite bien me baiser. Glon, glon, glon, glon, glon, glon, glon, glon. Bon, la chanson de Jack. Alors, par contre, j'en ai une nouvelle. Non, non, non, fais-moi. Allez, allez, on y va. Alors, plus court. J'ai baisé. Vous voulez celle-ci, j'ai baisé. Ouais. Elle est super bien. J'avoue, c'est le grand bonheur. J'ai mon sexe en pleine crise. J'ai décidé d'aller voir à l'Élysée mon amant. Eh, calme-toi. J'ai une carte de séjour, moi. Des préservatifs sous l'oreiller. J'ai baisé. J'ai baisé, avec Sarko. J'ai baisé, dans les toilettes. J'ai baisé, dans le grenier. Bon, j'ai baisé, Elisabeth, on a compris que t'avais baisé. Elisabeth, alors, attendez, grâce fini, à toi, si s'achève le dernier Bolo Show. Par contre, la chanson de Mickaël. Ah bah oui. La chanson de Mickaël. Il est ravi, il va se faire un peu de cas. Elisabeth, Oh, ce qui aurait été bien, c'est que je passe en dernier et que tu fasses top d'abord. Mais enfin bon, allez, ça c'est fait. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa sur le téléphone. Qu'est-ce que tu fous? T'arrêtes pas de bouchonner. Et c'est pire que les bouchons de l'autoroute. J'en ai marre. Du répondeur qui me fait chier. J'en ai marre. Bon, Elisabeth, on t'a pas demandé de faire de l'impro là. C'est quoi c'est du slam. Mais non. Bon, tu vas nous faire... J'ai même la chanson j'ai même repris même la chanson de Monsieur L. Tu sais. Alors, attends. Voilà. Alors... Elisabeth, attends, Elisabeth. Ouais. Attends, j'ai un petit truc pour toi pour te. Ah non, ça marche pas. Quoi? Bon, ça marche pas. Vas-y. C'était quoi? C'était rien. Vas-y. Attends. Bon, on va y aller. Tu te prépares pour demain, d'accord? Ouais. Allez, casse-toi. Ça achève le boulot chaud. Merci à ceux qui l'ont écouté et merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux tous les soirs, je suis dernier et ça c'est bon. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.